C'est pas bien. Okay. J'ai un nouveau truc. petit morceau rock tranquille. C'est bourrin ça, c'est la sang. Putain, salaud. Moi, après, il n'existera plus demain matin, ce morceau. 2, 3, 4. Thank you.